qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Mardi prochain, le 27 mai, sera célébré le 450e anniversaire de la mort de Jean Calvin. Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté d'un tel événement. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Jean Calvin fait partie, vous savez, de cette poignée d'hommes dont on peut dire qu'ils auront contribué à modifier le cours de l'histoire. Avec son aîné, Martin Luther, il aura été l'une des figures emblématiques de la réforme, de ce qu'on appellera plus tard le protestantisme. Sa doctrine, le calvinisme, qui continue d'inspirer aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde, notamment en Amérique du Nord. Sa doctrine est assez particulière. On va essayer d'y entrer tout à l'heure, sans évidemment vous donner tous les détails. On va pas vous faire ici un cours de théologie. Tout de même, j'ai demandé à l'historienne et théologienne Liliane Crété de venir nous aider à y voir plus clair dans cette vie et dans cette philosophie. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Mélanie sur les origines de la Croix-Rouge. Alors c'est amusant parce qu'il en était question avant-hier lors de mon passage chez Cyril Hanouna. On a raconté la bataille de Solferino, etc. Mais j'y reviendrai effectivement tout à l'heure. Pour le moment, je vous propose de prendre le chemin de Genève, où Calvin s'est donc éteint il y a 4 siècles et demi. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors précisément, c'est le samedi 27 mai 1564 qu'est mort Jean Calvin, Jehan Cauvin comme il avait été baptisé. Ses principes, ses idées auront marqué la Suisse, on va y revenir, mais aussi la France, essentiellement l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie, etc. En attendant que le calvinisme devienne un mouvement mondial d'une certaine manière. Le terme de calvinisme sera utilisé pour la première fois par Joachim Westphal en 1552, c'est-à-dire quand même de nombreuses années avant la mort de Calvin, qui aura vu de son vivant le succès, le triomphe même de ses idées. Le Conseil de Genève va reprendre le contrôle de l'Église après la mort de Calvin et celle de son successeur et biographe Théodore de Bèze. On va parler de Théodore de Bèze aussi parce qu'il est très important dans toute cette affaire. Tout ça fait que les idées ne se propagent plus à Genève, mais essentiellement à travers les universités de Leyde et de Heidelberg. Or, à partir de 1585, Genève va néanmoins, parce qu'elle est la ville de Calvin, elle va devenir en quelque sorte le symbole de ce mouvement. Calvin avait prévenu, il avait dit qu'il serait un jour décrit comme une idole et que Genève passerait pour la nouvelle Jérusalem. Eh bien finalement, il avait vu juste. Alors, voyez un peu à quoi ressemblait Jean Calvin au physique. Hein. Imaginez un homme jeune, parce qu'il est mort finalement assez jeune, mince, au regard très vif, au nez très droit, visage long, étroit, d'autant plus long, d'autant plus étroit qu'il était prolongé par une étonnante barbe proéminente. Précisons tout de suite qu'il n'est pas lui-même à l'origine de ce mouvement très important, tellement essentiel de la réforme, qui devait faire basculer toutes les certitudes de l'Europe de cette première moitié du XVIe siècle, car à l'origine de la réforme, il y a Martin Luther. Luther a étudié, enseigné la théologie, finit par s'interroger sur la grâce divine, sur les moyens d'accéder à la vie éternelle. Il a eu la révélation en étudiant l'épître aux Romains de saint Paul, dans lequel il est écrit précisément « Le juste vivra par la foi ». Eh bien, Luther a estimé que l'homme ne pouvait être sauvé que par sa foi et non pas par tout le comportement, par toutes les actions, etc. auxquelles l'Église l'avait depuis de si nombreux siècles accoutumé, pour ne pas dire astreint. Ce que dit Luther, et qui est d'une force incroyable, qui est d'une force de nature à tout balayer, à tout bousculer. C'est exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, il dit qu'en fait, c'est la foi elle-même, c'est cette espèce de feu intérieur qui compte, et c'est le retour aux Écritures elles-mêmes, non pas tout ce qui tourne autour, si je puis dire. Alors, il va considérer que la hiérarchie à l'intérieur de l'Église est inutile. Vous imaginez la violence d'une telle idée à une époque où l'Église catholique est fondée sur la hiérarchie, précisément. Il n'y a plus besoin, en quelque sorte, c'est un petit peu rapide ce que je vous dis, mais il n'y aurait quasiment plus besoin d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, puisqu'ils sont tous égaux. Et ça remet évidemment en question le clergé, en général, et tout spécialement la papauté, dont les abus depuis deux siècles à l'époque étaient déjà absolument connus et innombrables. Martin Luther, fallait s'y attendre, est excommunié en 1520. Il va être à l'origine d'une nouvelle religion. Il va fonder l'Église luthérienne avec l'aide d'un certain nombre de princes germaniques. On va revenir sur toute cette histoire, bien entendu, car elle est le cadre même de la vie de Calvin. On est là au tournant des années 1530. Et donc, parmi ceux qui vont adhérer aux idées de Martin Luther, il y a évidemment Jean Calvin, donc réformateur protestant, mais qui, comprenez-le bien, appartient à la deuxième génération de la réforme. Il est né pas loin de 30 ans après Luther. Et on peut dire que toute sa jeunesse aura été ballottée, secouée par ses idées nouvelles. Ce qui va faire la force et la grandeur de Calvin, c'est qu'il est au moins autant qu'un théologien, il est un meneur d'hommes, il est un organisateur de société. Et nous en disions, avant que ne commence cette émission, quelques mots avec Liliane Crété, il est un moraliste en quelque sorte, un homme qui va vouloir imposer certains codes d'une certaine manière. Alors, on vous dira aussi qu'il est un géant de la pensée moderne, incontestablement, on essaiera de voir en quoi justement. On estime que c'est en 1533 que Jean Calvin s'est converti à la réforme. Sa conversion religieuse se serait produite en deux étapes, comme presque toutes les conversions, hein. Dans un premier temps, détachement du catholicisme et puis conversion réel à la réforme. Calvin affirme avoir vécu une conversion subite, subita conversio, dit-il. Dans son commentaire des psaumes de 1557, il écrit, je le cite, « Au début, j'étais si fidèle à l'idolâtrie papiste qu'il était difficile de me libérer d'une boue si profonde. » Voyez la modération des termes au passage. « Puis, par une conversion subite, Dieu apprivoisa mon cœur et le rendit docile, bien qu'à l'âge que j'avais, il fût déjà très endurci face à ces choses. Ayant donc reçu la connaissance de la vraie piété, je fus tout de suite enflammé d'un si grand désir d'en user que je n'abandonnais pas entièrement les autres études, mais travaillais beaucoup moins intensément. Or je fus tout ébahi qu'avant que l'année ne soit écoulée, tous ceux qui ressentaient le désir de la pure doctrine se rassemblaient déjà autour de moi pour apprendre, bien que je ne sois moi-même qu'un débutant. de tout de modestie, cet aveu que fait Jean Calvin. La conversion se serait donc produite autour de la Toussaint 1533. Jean Calvin avait participé à la rédaction du discours du recteur de l'Université de Paris, Nicolas Cop, ça c'est fondamental. On n'est pas sûr qu'il y ait participé, mais enfin bon, ce discours a été prononcé dans l'église des Maturins, et on y fait un éloge vibrant de l'évangile. Cop affirme à ce moment-là son appartenance à ce nouveau mouvement de la réforme. Une chose est sûre, la conversion de Calvin, elle a lieu avant le 4 mai 1534, date à laquelle Calvin entreprend un voyage à Noyon sur la terre picarde de son enfance. Il a 25 ans à l'époque. Il a pour objectif de renoncer aux bénéfices ecclésiastiques qu'il reçoit depuis qu'il est âgé de 12 ans, parce qu'il doit se faire ordonner prêtre. Donc ça, c'est un engagement qu'il n'est pas prêt du tout à subir. Et c'est d'autant plus méritoire, si je puis dire, qu'il ne bénéficie par ailleurs d'aucune ressource personnelle. Cette décision, nous dit Denis Vatinel, est capitale car elle montre quelle est la conviction profonde du futur réformateur. Il ne croit pas possible d'entrer dans les cadres de l'Église telle qu'elle existe pour la transformer et la faire évoluer vers une fidélité plus grande aux exigences évangéliques. Un court extrait sur Europe 1 du concerto de Jean-Sébastien Bach, dirigé par André Gavrilov. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Jean Calvin. Alors évidemment, j'ai très envie de revenir à l'enfance, aux origines. Comment est-ce qu'est née cette espèce de de vocation extraordinaire chez Calvin. Lui-même est fils d'un notable, vous l'aurez compris, secrétaire et agent d'affaires de l'évêque de Noyon, d'où les bénéfices ecclésiastiques dont je vous parlais tout à l'heure. Un homme au caractère autoritaire, il a donc eu cet exemple paternel d'une autorité très forte, une mère très dévouée, en quelque sorte le modèle parental et familial archétypal, d'une certaine manière, qu'il voudra sans doute reproduire par la suite. L'éducation que reçoit Jehan, et enfin on disait Jehan de toute façon, ça s'écrit Jehan mais ça se disait Jehan, cette éducation est très religieuse, puisque je vous ai dit que son père était proche de l'évêque. À 12 ans à peine, Jehan devient chapelain de la chapelle de Gésine, donc dans la cathédrale de Noyon, et il va devenir curé de Marteville, puis de Pont-l'Évêque, curé, c'est-à-dire qu'il a la cure. On est toujours dans des histoires de bénéfices. Très intéressant d'ailleurs de voir que dans ces tout débuts du XVIe siècle, une grande partie de ce qui constitue l'Église relève de l'autorité, de l'habitude, de la coutume et ne l'oublions pas, des bénéfices, c'est-à-dire de mouvements d'argent, pour parler clairement. Vous comprenez aussi le contexte de tout ça. Alors au départ, Jehan est éduqué au collège des Capets de Noyon. Son père engage un précepteur en vue de l'envoyer dans un collège parisien. Il faut qu'il puisse continuer cette espèce d'ascension sociale dans laquelle est lancée la famille. Il va donc gagner Paris à 14 ans. Il suit les cours du collège de la Marche en tant qu'externe. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans ce collège, 5 professeurs qui sont des gens assez extraordinaires. Il y a notamment Mathurin Cordier qui est un des pères de la pédagogie moderne. Et d'ailleurs Mathurin Cordier va repérer Jehan Calvin. Il lui enseigne le latin, il lui enseigne, si je puis dire, son latin. Il lui donne des devoirs en français. Ça c'est très intéressant. D'abord c'est exceptionnel. À l'époque on fait toutes les rédactions, si je puis dire, pour employer des termes actuels. On dirait composition si vous préférez. On les fait normalement en latin. Or là on les lui fait faire en français, parce qu'on se rend compte que ses limites en tant que médiocre latiniste viennent brider une pensée tellement originale et forte qu'on a envie de la connaître et de l'encourager. C'est intéressant ça quand même. C'est le théologien Alexandre Ganoschi qui écrit « Il garda, il parle de Jehan Calvin bien sûr, il garda sa virginité intellectuelle pour une lecture humaniste et bientôt luthérienne de la tradition. Sa théologie, le futur réformateur de Genève, l'acquit en puisant dans des sources à la fois plus spirituelles et plus proches des nouvelles méthodes historiques. » Alors après tout ça, Jehan va rejoindre le collège de Montaigu. Il y rencontre Ignace de Loyola, au passage, le fondateur de l'ordre des Jésuites. On aimerait bien faire une pièce, tiens, sur ce... C'est Théodore de Bèze, donc le biographe, j'allais dire en commettant un sacrilège, l'hagiographe de Jehan Calvin, qui écrit « Il laisse ses camarades à l'étude de la grammaire et passe, pour ce qu'il concerne, à l'étude de la dialectique et de ce qu'on appelle les autres arts. » À ses 19 ans, on est donc en 1528, il est licencié S-art. Il se destine au droit parce que c'est ce que son père, c'est l'injonction paternelle, ça bien entendu. Et il va intégrer l'une des plus prestigieuses universités de l'époque, celle d'Orléans, qui était la grande fac de droit de l'époque, et qui l'est restée jusqu'au XVIIIe siècle d'ailleurs. Il suit les cours de Pierre de l'Étoile, il rencontre le luthérien Melchior Volmar, donc il baigne dans ce mouvement-là. On est en 32, vous voyez, je vous disais que Luther c'est 33, la fondation du mouvement lui-même, de l'Église elle-même. Il est licencié donc en 32, docteur en 33, il s'inscrit à l'université de Bourges, où enseigne un juriste italien très célèbre de l'époque, Alcia, et Jehan Calvin va bénéficier d'une sorte de bourse d'études, si vous voulez. Il reçoit les revenus attachés à chaque bénéfice dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il paie un prêtre pour dire la messe à sa place. Évidemment, c'était comme ça d'ailleurs que ça se passait généralement. Ce qui fait qu'à l'âge de 25 ans, il a tout l'appareil, si je puis dire. Il a été formé pour devenir lui-même un penseur, pour penser par lui-même. Alors, le grand changement à ce moment-là, le basculement, c'est la mort de son père. Libéré des exigences paternelles, nous dit un biographe, en ce qui concerne la carrière de juriste, Il pouvait désormais suivre sa vocation profonde et on va le voir intégrer le collège Fortet à Paris, qui se trouve en face du collège Montaigu, où il a donc passé une partie de son adolescence. Il travaille l'hébreu, le grec. On est là dans les cours qui sont dispensés au collège des lecteurs royaux, ce qui deviendra plus tard le collège de France. François Ier vient de fonder cette très vénérable institution. C'est pas neutre que Calvin étudie l'hébreu, le grec. Voyez bien qu'il se rapproche déjà et toujours et uniquement des Écritures. Il va publier son premier livre en 1532. C'est un commentaire en latin du traité de la clémence du philosophe antique Sénèque. Et voici ce que nous dit un des pasteurs de l'église réformée de Poitiers, je le cite. C'est, on l'a dit, une tentative malheureuse de Calvin vers la carrière littéraire et humaniste sur les pas d'Érasme et de Guillaume Budé. Car le livre ne rencontre guère de succès et le jeune auteur se débat avec les difficultés pour couvrir les frais d'édition. Il ne sera donc pas écrivain, disons. Alors, il y a l'affaire des placards, octobre 1534, on va placarder sur les murs parisiens des écrits contre la messe, mais quand je dis sur les murs parisiens, on va aller en placarder, ça c'est peut-être pas très malin, jusque dans la chambre du roi, vous imaginez le choc, bien entendu. Alors ça va totalement transformer la politique de la couronne de France à l'égard de la réforme, politique qui jusqu'alors était relativement, je dis bien relativement bienveillante, qui va se durcir considérablement. Et on accuse bien sûr les luthériens de tous les maux déjà à ce moment-là. Alors, Calvin voit que le climat se corse, si je puis dire. Il prend la décision de fuir. Il attire quand même l'attention en confessant publiquement sa foi évangélique et en faisant du prosélytisme, en essayant de récupérer, si je puis dire, de nouveaux partisans pour la réforme. Là, il est vraiment temps qu'il quitte Paris. Il faut qu'il trouve un lieu plus sûr, en quelque sorte. Et il va rejoindre son ami Louis du Tillet, qui est chanoine d'Angoulême. Il travaille à ce moment-là un autre ouvrage, s'appelle « L'institution de la religion chrétienne ». Et un de ses détracteurs, Florimond Raymond, assure qu'il passe les nuits entières sans dormir et les jours sans manger. Théodore de Bèze complète. Il dit que Calvin, étudiant, avait commencé par manger bien peu au souper pour pouvoir mieux étudier jusqu'à minuit et se réveiller de très bonne heure. Ses jeûnes et ses veilles lui détraquèrent l'estomac et alors il jeûna encore plus pour éviter les migraines et les maux d'estomac. Ce qui pourrait peut-être expliquer cette espèce de mine passablement aigrie qu'on lui trouve sur les portraits. Je vous ai parlé de cette mine un petit peu sombre, de ce visage tout en longueur, encore accentué, je vous disais, par sa grande barbe. Ben, il y a peut-être une origine un petit peu physiologique à tout ça. Calvin doit de plus en plus s'éloigner de la capitale et des grandes villes de France parce que la vie s'y trouve de moins en moins sûre pour les partisans de la réforme. Il va se réfugier à Bâle, qui est devenu un véritable foyer de la réforme. Il rejoint là son ami Nicolas Cop, rappelez-vous, dont Bâle est la ville natale. À ce moment-là, il reprend la doctrine de Luther. Ça, on y reviendra tout à l'heure avec Liliane Crété, c'est fondamental. Il va réécrire, en fait, il va corriger, si l'on peut dire, la doctrine de Luther en s'inspirant de Mélenchon, de Zwingli. On va venir à tout ça, à ces grands penseurs de la réforme. Lui se veut plus rationnel. Il est celui qui argumente. Et il va la publier, son institution de la religion chrétienne, en 1536. 6 chapitres. Il la modifiera ensuite tout au long de sa vie. Il y exprime le contenu de la foi persécutée. Et il débute par une lettre au roi qu'il a l'espoir de convaincre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne marchera pas, ça. Le succès de l'ouvrage est extraordinaire. Et on peut dire qu'avec ce livre, alors oui, Jean Calvin se place à la tête des défenseurs de la réforme en France. Je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission où nous sommes sur le point d'atteindre les 30 000 fans. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jean Calvin. Franck Ferrand, 14h, 15h. sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jean Calvin. Alors, et Genève, me direz-vous, puisque quand on pense à Calvin, généralement, on songe à Genève. Eh bien, ça y est, Calvin va s'établir à Genève. Au départ, il devait juste y passer. On est à l'été 1536. J'avais délibéré de passer par ici légèrement, sans m'arrêter plus d'une nuit, dit-il. Mais en fait, quoi? Il va y rester jusqu'à sa mort. On est là en 1536 et sa mort n'interviendra qu'en 1564. Il a donc 26 ans. Il propose à ses amis de venir le rejoindre et peu à peu, quand je dis peu à peu, très vite en vérité, Genève va devenir une place forte du protestantisme en Europe. Le clergé catholique va devoir reculer, si je puis dire. Calvin met au point une véritable organisation qui va remplacer l'organisation ancienne, ce qui fait que l'Église est chassée en quelque sorte de Genève. Dès novembre 1536, Calvin soumet au Conseil de Genève un programme et parmi ses idées, il y a le fait que la scène, le dernier repas du Christ, soit célébré tous les mois. Il y a une confession de foi qui est établie. On institue aussi une juridiction matrimoniale, etc. Alors, Calvin ne va pas réussir à s'imposer aussi facilement. Bien sûr, le Conseil de Genève est là. Il y a des débats à n'en pas finir. Le Conseil veut contrôler l'Église. Et plus encore, je cite Vatinelle, la population de Genève qui, avant son arrivée, donc avant l'arrivée de Calvin, a décidé d'appliquer la réforme, n'est pas plus qu'ailleurs prête à l'appliquer dans sa vie personnelle. Le pouvoir politique exercé par les conseils de la ville entend contrôler l'Église dans tous les domaines, y compris spirituels. Les Genevois, eux, vont mal vivre le reflux de réfugiés dans la ville, évidemment, et nombreux sont les Français, les Italiens, les Allemands, les Flamands, etc., qui sont venus s'y installer et qui seront, disons-le, assez mal reçus, au point qu'assez vite, en 1538, Calvin est expulsé de la ville, et pendant 3 ans, il va aller s'installer, il s'exile à Strasbourg. Il est chargé à Strasbourg d'organiser la vie de la communauté des habitants qui parlent le français. On le retrouvera néanmoins à Genève en 1540, à la demande du conseil de la ville, je le précise bien, et très vite, on va surnommer Calvin, ce qui quand même n'est pas le moindre des paradoxes, on va l'appeler le pape de la ville. De la petite ville des bords du lac Léman, nous dit Denis Vatinelle, Calvin fait la capitale de l'esprit vers laquelle ou contre laquelle le monde va se tourner. On peut dire qu'à partir de là, Genève devient en quelque sorte pour l'Europe de l'époque une boussole ou une contre-boussole, comme vous voudrez. Vous voyez la notion de Jérusalem dont parlait Calvin dans cette espèce de prophétie. Il fonde l'église de Genève qui va perdurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Une commission de pasteurs et de magistrats va élaborer le projet. Il n'est pas question de s'organiser encore d'église ou d'avoir l'usage des sacrements. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle église, mais de demander à Dieu de rétablir son église. C'est comme ça qu'est instaurée cette nouvelle église. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rigueur est de mise. Alors là, c'est fini, hein. Terminé les divertissements de toutes sortes. Gare aux pratiques lascives, nous dit Leclerc. Quiconque ne remplit pas ses devoirs religieux se verra cité devant le consistoire. Jadis, nous dit René Guerdan, le fidèle trouvait à ravir ses sens. Les grandes fêtes qui honoraient Dieu enchantaient aussi l'œil. À assister à la parade des croix processionnelles et des prêtres en brocart, la foule ressentait une émotion qui ne différait guère de celle que lui procurent de nos jours les grands défilés militaires. Qui a des rapports hors mariage, c'est terminé, hein, tout ça bien entendu, terminé. Qui a des rapports hors mariage est jeté en prison à Genève, mis au pain et à l'eau, condamné à une forte amende, et ses sanctions d'abord fixées respectivement à 3 jours et 60 sous, passent en 1546 à 6 jours et 5 florins pour atteindre, peu avant la mort de Calvin, 9 jours de prison et autant de florins qu'il plaira au conseil d'infliger. On a envie de dire que les belles années tranquilles de Genève sont passées et c'est le régime extrêmement sec de Calvin qui est en train de s'y installer. Alors, nous allons essayer dans un instant avec Liliane Crété de revenir évidemment sur cette vie genevoise du temps de Calvin, sans tomber, parce que moi je suis allé un peu vite là, mais sans tomber dans les caricatures, etc. Et puis, on va surtout essayer de cerner la doctrine de Calvin. J'espère qu'à la fin de l'émission, on saura pourquoi il est aussi connu que Luther, sans pour autant qu'on sache ce qui l'en différencie, nous demande Yannick. Eh bien, prenons le pari, Yannick, essayons en effet. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, vous nous parlez de Jean Calvin avec votre invitée, la théologienne Liliane Crété. Avant d'y revenir, un petit mot sur Facebook. Je disais tout à l'heure que nous sommes sur le point d'atteindre les 30 000 fans et à cette occasion, nous vous réservons une belle surprise. Bah oui, on va faire la fête, si je peux dire. Alors, on va proposer à nos auditeurs de nous proposer des sujets d'émission, justement, sans un petit concours. On en choisira un parmi les propositions et puis nous essaierons de recevoir la personne qui nous aura proposé l'émission, etc. Enfin, on va essayer de profiter de l'occasion pour entrer en contact direct avec les auditeurs. Et nous allons peut-être atteindre les 30 000 fans en ce moment, puisque nous en sommes à 29 962, précisément. C'est-à-dire qu'il reste 38 personnes. Exactement. Ça, on y est presque. Donc nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Jean Calvin. Alors, je parlais de fête, là, c'est pas la fête du tout avec Jean Calvin, Liliane Crété. Il faut dire que le régime instauré à Genève, qui au départ se veut très vertueux, va tourner peu à peu à la sévérité, voire même à la rigidité. Je parlais de l'adultère, par exemple. J'ai donné les amendes, les peines de prison, etc. Mais bientôt, on va ajouter à ça des peines de fouet, et de châtiment corporel. Et même en 1556, Calvin demande au Conseil de Genève d'établir carrément la peine de mort pour l'adultère. Ça ne plaisante plus du tout. Les fêtes religieuses sont supprimées. Seul le dimanche est chômé. Alors on ne célèbre plus aucune de toutes ces grandes fêtes catholiques qui faisaient en quelque sorte, j'allais dire, le charme de l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait énormément de jours chômés, hein, bien entendu. Plus de représentations théâtrales, même s'il s'agit de mystères religieux, plus de bals, la danse est interdite, etc. On rigole pas tous les jours à Genève, si je puis me permettre. Il faut voir aussi que c'est un retour à l'écriture. Voilà. C'était un grand bibliste et je peux vous dire même que son hébreu était excellent et que c'était un grand exégète. Et donc, il est reparti avec des idées qui étaient finalement dans la Bible, en faisant table rase un peu des pères de l'Église et donc de toutes les gloses qui ont été faites sur des siècles et qui ont déformé le message. Ça, c'est le point de départ. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup influencé Calvin, et surtout dans la manière d'organiser la société, c'est Martin Bucer, qui était le j'allais dire le pape, puisque vous avez employé l'expression. Le chef de file, disons. Le chef de Strasbourg. Il a complètement changé la société de Strasbourg. C'est un grand théologien et c'est surtout un grand organisateur d'église. Et les 3 ans passés par Calvin sont restés vraiment... C'est là où il s'est marié d'ailleurs aussi. Il dit lui-même que ça a été une période heureuse. C'est-à-dire qu'en fait, ce moment où il va à Strasbourg... Au départ d'ailleurs, il partait pour Strasbourg. Et puis il s'est arrêté à Genève. Voilà. Alors il dit que c'est un appel de Dieu. Et il le dit carrément, que c'est comme les prophètes. Et il s'est pris un peu pour Abraham, Moïse, Amos, Ézéchiel et surtout le roi David. Alors, donc ça vous montre déjà l'homme, hein, le roi David, c'est quand même pas n'importe quoi. Oui, il a une immense ambition. Et alors il dit, Dieu m'a appelé. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé là où je voulais aller. Et ça a été toujours ça, ça. Sauf qu'il s'installe à Genève en 36. Qu'en 38, il en est chassé avec Farel. Pourquoi? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y avait des clans à l'intérieur de Genève. Et alors, il y en avait qui étaient pour lui, d'autres qui étaient contre lui. Il y a eu l'histoire, vous l'avez mentionné, de la Sainte-Seine. Est-ce qu'on s'aligne sur Berne? Est-ce qu'on ne s'aligne pas? Enfin, des histoires, je dirais, de cloches. Mais il y avait plus grave que ça. Il y avait aussi le fait qu'il y a eu des tendances dans Genève à penser que Calvin était anti-trinitaire. Alors ça, c'est fondamental, le dogme de la Trinité. Il faut en dire quelques mots, notamment pour nos plus jeunes auditeurs. Alors, le dogme de la Trinité, c'est que Dieu est en 3 personnes, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Or, la façon dont on l'apprenait à l'époque, et on l'apprend, je crois, toujours maintenant, sauf chez certains théologiens, ça a été pensé au IVe siècle. Et donc, à mon avis, on ne peut plus accepter cette formule telle qu'elle est, de substance. On ne sait même pas Dieu, comment il est. Donc, c'était déjà comme ça à son époque, avec Arius, et on dit qu'il était un peu embarrassé. Et ça, c'est certain que dans ces tout ce qu'on connaît de son premier séjour, cette question l'embarrassait. Alors après, ça l'a poursuivi. Mais c'est surtout en dehors de ça, ce sont surtout les questions ecclésiales, c'est-à-dire la discipline, parce que pour lui, on ne pouvait pas changer l'Église sans changer l'homme. Et c'est curieux que ce soit sur un plan purement théologique, que ce soit dans la conception qu'il a des églises, et on va y venir là, dans un instant, ou dans celle qui s'applique à la société, tout passe toujours chez lui par l'autorité et la discipline. Absolument, absolument. Absolument. On est loin de tout laxisme. Faut dire que Luther, bon, il est le point de départ, il a laissé la réforme en panne. Et c'est Calvin qui l'a continué, qui l'a achevé. Mais on oublie toujours ce pauvre Martin Bucer oui, qui au point de vue ecclésiologie, a été le maître. Vous savez que Bucer voulait instituer, en Angleterre par exemple, parce qu'il est allé en Angleterre après, finir ses jours, une cité, plus que ça, un pays qui serait sous l'œil de Dieu, avec toutes les institutions prises dans l'Ancien Testament. Oui, donc il s'agit bien de... Et c'est ce qu'il avait fait à Strasbourg. Oui, voilà, il s'agit de reconstituer la Jérusalem ancienne, en quelque sorte. Exactement. Et est-ce que ça n'est pas ce que Calvin va réussir d'une certaine manière à Genève? Oui, c'est ça, mais il a été plus loin, il a été plus dur, il n'avait peut-être pas la rondeur de Bucer. Ça, il n'y a aucune rondeur. C'est le moins qu'on puisse dire. Il était malade, tout le temps, il avait mal à l'estomac, et ça l'avait rendu aigre. Mais rien que ça, il y a une chose qui m'a toujours amusée chez Calvin, c'est que quand il a cherché une femme... Il était à Strasbourg, il a décidé de se marier. Ne croyez pas que c'était parce qu'il craignait des péchés de brûler, comme disait l'apôtre Paul. Pas du tout. Il voulait quelqu'un pour prendre soin de sa santé. Ah oui, voilà. Oui, donc cette santé a joué un rôle... énorme. Vous voyez comme quoi la petite histoire parfois peut influer sur la grande. En fait, c'est bien la santé de Calvin, nous dites-vous, qui aurait déterminé un certain nombre de ses comportements. Il était très difficile, il la voulait jolie en plus. Oui. Eh bien, il en a trouvé une jolie, qui était la veuve d'un anabaptiste. Il s'était occupé justement il a fait œuvre de pasteur, si vous voulez. Alors, autre chose très intéressante qu'il faut qu'on signale, c'est qu'il n'a jamais... Il a appris la théologie, mais à ce moment-là, ça faisait aussi partie des humanités. Mais il n'a jamais été prêtre. Non. Et quand il était à Strasbourg, il était prédicateur. Nuance. Donc, il n'a jamais eu les ordres. Jamais. Et c'est en tant que prédicateur qu'il est allé, revenu à Genève d'ailleurs. Alors, nous allons venir au penseur, si je puis dire, à ce moraliste en quelque sorte, à l'écrivain, car il ne faut pas négliger remarquable. Cet aspect-là, au polémiste, bien entendu. Enfin bref, si j'ose employer cet anachronisme, dans un instant, nous parlons de Jean Calvin, intellectuel. Alors, j'étais en train de dire, avant que nous ne nous interrompions, que Calvin était d'abord ce que nous appelons, nous, un intellectuel. Il a écrit toute sa vie, enfin, il l'a remanié constamment, c'était son grand œuvre, en quelque sorte, cette institution de la religion chrétienne, Iliane Créter. Alors, il l'a écrit d'abord en latin, et assez courte, si vous voulez. C'était son premier... sorte de profession de foi. Voilà, profession de foi. Et puis, il l'a réécrit plusieurs fois, dont en français, et dans un merveilleux français qui a servi presque à porter à la langue française, je dirais même, je peux le comparer avec ce que Luther a amené à la langue allemande. Parce qu'il ne faut jamais oublier, on a parlé de Noyon un petit peu, etc., mais il ne faut jamais oublier que ce Jean Calvin, ce Jean Covin, est français, c'est un Picard. Absolument. C'est vrai que c'est à Genève qu'il va trouver sa terre d'élection, mais il est français, il est de langue française, il est est même, disons-le, de façon assez sidérante, d'esprit français, je trouve. Ah oui, et puis il y a une rigueur intellectuelle que n'avait pas, par exemple, Luther ni Bucer. C'est tout à fait autre chose. C'était un juriste d'abord, et un grand juriste. Et on sent dans son texte à quel point dans ses œuvres il cherche à toujours dire le bon mot, la précision. Et alors il l'a remanié sans cesse, cette institution de la religion chrétienne, qui est le rapport entre, si vous voulez, Dieu et l'homme. Il y a une sorte de chemin. Et alors il était très croyant, bien entendu. Vous me direz que à l'époque, de toute façon, tout le monde était croyant. Mais c'est pas ça. Lui, il se sentit appelé, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui fait que son parcours, il pensait que c'était Dieu qui le poussait. C'est quand même très important de rappeler ça. Et qu'il inspirait d'une certaine manière. Du reste, au-delà de l'institution de la religion chrétienne, oui, il y a d'autres œuvres de Calvin, bien sûr. C'est ses prédications, hein, oui, qui étaient écrites. Et les prédications qui ont été réunies par la suite, bien sûr. Et voilà. Hein. Et puis, il y avait les traités, il y avait certains traités autres que ce qu'on trouve dans son œuvre maîtresse, l'institution. Il y avait aussi des lettres. Il correspondait avec le monde entier. Il a correspondu, entre autres, avec les rois, le petit roi anglais, Édouard. Avec Bucer, avec Zwingli, avec lequel, oui, il s'entendait pas du tout, de Melanchthon, pour des histoires tout à l'heure, Oui, alors là, Melanchthon, il aimait Melanchthon, et il était peut-être plus proche de Melanchthon que de Luther. Mais sur la Sainte-Seine, en tout cas, je ne sais pas si on va en parler, il y avait quand même des différences. Il s'est trouvé placé entre Zwingli, qui pour lui... c'était un rappel du sacrifice, donc du dernier repas du Christ, mais un rappel, c'était une mémoire, un acte de mémoire, et Luther, qui était resté très catholique sur ce point, non pas que le pain était devenu le corps de Christ. Oui, mais pas de transsubstantation, non, comme on dit. Mais voilà, mais une consubstantiation, c'est-à-dire que par la foi, le communiant recevait vraiment le corps, mais le pain restait le pain. Ça, c'est pas chez Jean Calvin du tout. Chez Jean Calvin, lui, ce n'est qu'un acte de mémoire, ce n'est pas un acte présent. C'est Zwingli. C'est Zwingli, ça. Oui, et chez Calvin, c'était spirituel. Ah, voilà, encore. La présence spirituelle. Et c'est toujours très compliqué, parce que, vous voyez, chacun avait... Et sa là, nuance. Je crois qu'on... Les nuances. C'était Bucer, un peu, aussi. Alors, ça. Vous nous Il avez... était très proche de c'est Bucer. C'est un moraliste, certes, un organisateur, on l'a compris, avec toute la rigueur que ça suppose. C'est un juriste, nous dites-vous, oui. Et c'est un homme qui participe ô combien à ce qu'on appelle la disputatio, à l'époque. Oui. Hein. Il aime la polémique, c'est un polémiste. C'est un polémiste de grand talent. Et puis alors, il a quand même un mauvais caractère, et alors on va sûrement parler de l'affaire Servet. Oui, mais parlons-en maintenant si vous voulez. Parlons-en c'est le maintenant c'est si le vous voulez. Ça a été dramatique parce que Servet a été condamné à être brûlé, et c'est le seul martyr de la réforme. Alors d'où vient cette dispute, si je puis dire, avec Servet? Alors Servet est un personnage assez étonnant. Il était beaucoup plus jeune, hein, c'était une jeune génération par rapport à Calvin, qui était médecin, espagnol, peut-être catalan, et qui avait des idées tout à fait à lui, qu'il osait professer. Et à cette époque-là, c'était pas bon de professer certaines idées. Et nous retombons avec l'histoire de la Trinité. Calvin... On est toujours sur la nature de Dieu, pour parler clair. Toujours, de Jésus. De Jésus, oui. Oui, de Jésus. La question, c'est est-ce que Jésus est Dieu, quoi, en quelque sorte. Et alors, pour Servet... Ça ne l'était pas. Il avait repris les théories d'Arius. Les théories ariennes, oui. Ariennes, donc, de ce penseur du alexandrin, et qui disait qu'il était au-dessus de l'homme, mais qu'il n'était pas Dieu. Et en fait, nous avons failli tous devenir ariens. Oui, c'est ça. Car c'est à une voix, de Nicée, que l'on a... On est passé à la Trinité. Ce qui est une ironie de l'histoire, oui. Quand on sait à quel point l'arianisme avait été complètement battu par le christianisme catholique. Mais après, quand vous voyez toutes les grandes inventions, c'était des ariens. Et voilà, c'est ça. Donc il y a des endroits de l'Europe. Alors, et Servet va mal finir. Dans et alors, si, en plus, pour achever tout, Servet s'était permis de critiquer l'institution chrétienne de Calvin. Et il ne l'a pas supporté. Alors déjà, il y avait une question personnelle. Il supportait supportait pas. Et en plus, n'oubliez pas qu'il avait été lui-même accusé d'être anti-trinitaire. Donc il fallait qu'il se montre beaucoup plus rigoureux vis-à-vis de Servet que quelqu'un d'autre. Alors, il est allé le narguer, Servet. Vraiment, il s'est jeté dans le bûcher tout seul, j'allais dire. Et alors, il a été chassé d'Espagne, il est venu en France, personne n'en voulait, bien entendu. Donc, pour chasser d'Espagne, pour chasser de... Eh ben, il est allé narguer Calvin à Genève. Donc, Calvin ne pouvait pas... Laisser l'affront impuni, en quelque sorte. Parce qu'à ce moment-là, la réforme était quand même pas très... était débutante, si vous voulez. Elle n'était pas du tout assise comme elle a été 100 ans plus tard. Et que donc, il ne voulait surtout pas que dans l'Europe chrétienne, on puisse penser que ce mouvement réformé était anti-trinitaire, donc hérétique. Il y en a un qui va prendre la défense du pauvre Servet, c'est qui donc Castellon. Sera, comme vous dites, le martyr. Ah c'est, oui. C'est Castellon. C'est Castellon. Alors, voilà. Castellon est un homme extraordinaire. Il a fait une traduction de la Bible qui est très amusante. Si ça vous intéresse un jour, vous pourrez la lire parce qu'il a un français extraordinaire, des images extraordinaires. C'est vraiment très, très intéressant. C'est un homme remarquable et qui avait déjà des idées de tolérance qui étaient très rares. Et il disait, Servet, il était... Ce qui a été surtout contre, c'est moins l'arrestation. Et d'ailleurs, Calvin ne voulait pas qu'on le brûle vivant. Ça paraît atroce, mais c'est quand même des nuances. Hein. Et c'est le magistrat qui l'a voulu condamner à être brûlé vif. Mais il faut dire que le magistrat avait des manières très violentes. Il y a eu à un moment donné la peste à Genève. Le nombre de soi-disant sorcières qui ont été arrêtées et condamnées au bûcher... Rien à voir avec ce pauvre Calvin. Mais les magistrats en question s'inspirent directement de Calvin, quand même, Non, le magistrat ne s'inspire pas de Calvin. Et Calvin a toute sa vie lutté pour essayer d'être indépendant du magistrat. J'appelle ça le magistrat, c'est-à-dire les autorités. Oui, voilà, hein, oui. Il y avait deux conseils. Trois même. Et eux étaient... c'est eux qui voulaient... Ils ont été plus durs que Calvin. Calvin voulait seulement sa mort, qu'on l'arrête, parce qu'il avait tellement mort, peur de passer pour hérétique. Mais c'était très grave. Si le mouvement réformé avait été, vis-à-vis du reste de l'Europe, marqué comme hérétique, c'était peut-être la fin de tout. Il ne pouvait plus avoir cette propagande. Donc c'était indispensable de l'arrêter, seulement avec les mœurs de l'époque, ça a été horrible. Il y a quand même vers la fin, à partir de 1556-1557, une crispation d'un Calvin qui est de plus en plus malade en même temps. D'abord, il est de plus en plus malade et puis alors, il s'est crispé. Il y avait des clans toujours, j'en reviens à Genève, où il y avait des clans. C'était tout petit Genève, donc tout le monde savait ce que tout le monde faisait. Et puis, vous avez tout à fait bien dit tout à l'heure que les jeunes voix d'origine étaient exaspérées par l'arrivée sans cesse d'étrangers. C'est-à-dire les Français, Calvin attirait à lui évidemment toutes sortes d'esprits, parce qu'ils étaient chassés de partout. Mais bien sûr. Il y avait la langue aussi. Ils pouvaient pas toujours aller en Allemagne parce qu'il fallait qu'ils apprennent une langue nouvelle. Non. À Genève, ils pouvaient parler français. Si nous avons parlé de Calvin aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu une extraordinaire postérité, bien entendu. Il y a beaucoup de calvinistes. Je sais pas combien il y a de calvinistes dans le monde en ce moment, mais tous les mouvements sont plus ou moins calvinistes. Oui, les mouvements protestants. Toute la réforme. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire que vous avez en Allemagne même, l'Allemagne du Nord, les théologiens sont réformés, les églises sont réformées. Dans le reste de l'Allemagne, c'est luthérien. Le Danemark, la Suède sont luthériens. Je parlais de l'Amérique du Nord, ça a même fait le titre de Time il y a quelque temps. Sûr. Le calvinisme est en pleine renaissance, depuis 7 ou 8 ans maintenant. Alors ça a toujours été marqué, vous savez que je suis une spécialiste du puritanisme, oui. Et donc j'ai étudié pour une thèse d'ailleurs le mouvement réformé chez les puritains. Et alors on voit quand même, mais pas seulement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit aussi qu'il n'y a pas que Calvin qui a influencé les Anglais, par exemple. Non, et ce pauvre Bucer qui est toujours oublié en France, je reviens là, faut pas oublier tout ce qu'il a présenté à l'Angleterre comme pour changer la société. Il aura été l'invité clandestin de cette émission. Oui, absolument, mais on l'oublie trop. Alors je suis quoi, Zwingli aussi, qui était un homme tout à fait admirable. et moderne, si je peux dire, dans sa façon de penser. Je connais beaucoup de protestants actuels qui trouvent qu'on on se repose pas assez sur Zwingli. Donc, vous voyez, mais Calvin reste le point d'ancrage. Je profite de cette émission où l'on a beaucoup parlé de Genève pour citer ce message de Dominique via Facebook qui nous dit que le 1er juin, ça va faire 200 ans que Genève est entrée dans la Confédération helvétique et qu'une grande fête aura lieu dans la ville donc sur les bords du lac Léman. Donc merci Dominique de nous le signaler. Merci à vous, Liliane Crété, d'être venue rétablir un certain nombre de vérités à propos de Calvin qui évidemment n'a pas tout à fait le caractère pour plaire à notre époque, mais qui n'en a moins beaucoup influencé cette époque. Merci Liliane Crété. Je rappelle bien entendu le titre de votre dernier ouvrage aux éditions Olivier Tan, c'est « Le jardin, le désert et la cité dans la Bible ». Voilà un beau programme et qui ferait sans doute une belle émission, songeons-y. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Mélanie sur les origines de la Croix-Rouge. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1 vous présente les Franco-Gourmandes. Le festival musical et gastronomique parrainé par Yves Candebord. Avec Christophe Maé, Skip the Use, Ben L'Oncle-Sang, Louis Bertignac, les Vampas et beaucoup d'autres artistes. Rendez-vous pour deux jours de concerts et de gastronomie les 13 et 14 juin à Tournu en Bourgogne pour les Franco-Gourmandes. Avec France 3. Oh, il a l'air bon ton muffin. Eh oui, je l'ai fait avec du Canderel. Et regarde, j'ai aussi des fesses Canderel, des seins Canderel et un sourire. Canderel? T'as tout compris? Ouais, je dois avoir un cerveau Canderel. Le secret Canderel, c'est le sucralose. Au goût si proche du sucre, sans calories. À retrouver en magasin. Pour votre santé, évitez de grignoter. Central Park, le nouveau roman de Guillaume Musso. Central Park, un thriller magistral, un final bouleversant. Central Park, de Guillaume Musso, un livre XO. 360 000 lecteurs ont déjà acheté Central Park, numéro 1 des ventes en 2014. Venez vite au Musée Mayol découvrir deux trésors extraordinaires. Le trésor de Naples, les joyaux de San Gennaro, présentés pour la première fois en dehors d'Italie, une exposition des chefs-d'œuvre du fabuleux trésor constitué par le peuple napolitain. Et un trésor caché, la cuisine communautaire d'Ilia Kabakov, une installation, centre de tous les conflits dans les cuisines collectives en Union soviétique. À voir jusqu'au 20 juillet au Musée Mayol à Paris. Informations et réservations sur museemayol.com. Dans la vie, il y a ceux qui sont ici et ceux qui ont la chance d'être là. La chance est avec vous chez Intermarché. En faisant vos courses, jouez au grand jeu Monopoly Rio 2 et collectionnez des vignettes qui peuvent vous faire gagner des millions de cadeaux et des voyages à Rio. En plus, ça dure 5 semaines. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 20 mai au 22 juin, règlement du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Elle est montée sur l'échafaud avant d'être sauvée de justesse. Elle a épousé l'homme le plus puissant du monde, Napoléon, avant d'être répudiée. Philippe Seguy fait revivre à la première personne Joséphine de Beauharnais, la plus fascinante de nos souveraines. Journal de Joséphine B, impératrice. Un livre Flammarion avec Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Mélanie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle souhaite connaître les origines de la Croix-Rouge. Alors, ça a été d'ailleurs la toute première émission que j'ai faite ici sur l'antenne d'Europe 1, la bataille de Solferino en 1859. Et Valérie Benaïm, comme je vous le disais, chez Cyril Hanouna avant-hier, parlait de ça justement. Cette bataille de Solferino a été extrêmement violente entre la France de Napoléon III qui soutenait le royaume de Piémont-Sardaigne en chemin pour l'unité italienne, et puis en face l'Autriche, l'Autriche-Hongrie de François-Joseph, le mari de Sissi, n'est-ce pas? Ça a été une bataille très très violente, 40 000 morts et blessés. Or, sur le champ de la bataille, le soir du 24 juin 1859, arrive un certain Henri Dunant, qui est un homme d'affaires suisse, qui avait des projets en Algérie, qui était l'Algérie française à l'époque. Il voulait parler à l'empereur, on lui a dit à Paris, mais l'empereur est en ce moment en Italie, bah qu'à cela ne tienne, il a pris le chemin de l'Italie, il arrive Et il découvre l'horreur, il découvre ce champ de carnage effroyable avec tous ces blessés qu'on n'avait même pas prévu de soigner. Ça a été pour lui une sorte de chemin de Damas, une révélation extraordinaire. Et c'est à l'origine, c'est ce qui va créer, c'est l'origine de la Croix-Rouge. Le comité international de la Croix-Rouge sera créé pas très longtemps après, en 1876. Hein, et Henri Dunant a fait un travail considérable pour aider au développement de ces secours aux blessés sur les champs de bataille. Et puis ensuite, on sait ce qu'il en adviendra de la Croix-Rouge qui va se développer et prendre l'extraordinaire extension que nous lui connaissons aujourd'hui.